Voici votre bulletin régional. Souper du 30e anniversaire de fondation du chaîneau d'amitié de Hastings, le 6 mai, à la salle du Chevalier de Colomb. Coût, $12 par personne. Réservation auprès de Pierrette Tremblay, au 819-832-1636. Demande de soumission par la paroisse Saint-Joseph-des-Monts de Scotstoun pour la tonte des gazons pour l'été 2015. On devra soumettre deux soumissions, une pour l'église et le presbytère, une autre pour le cimetière. Les soumissionnaires doivent fournir tout l'équipement nécessaire. Il est à noter qu'avant de soumissionner pour le cimetière, les intéressés doivent contacter Yvan Poirier au 819-657-4734 pour plus de détails et la visite des lieux. Ouverture des soumissions le 6 mai à la paroisse Saint-Joseph-des-Monts, 53 rue de Dayton, Scotstoun, J0B3B0. Le 8 mai à 20h au Centre culturel de Whedon, on présentera un spectacle intitulé Talents de chez nous. Le 8 mai est la date limite d'inscription pour les citoyens de Hastings qui désirent participer, à titre de vendeur, à la grande vente de garage annuelle de la ville qui se tiendra les 16 et 17 mai. Deux possibilités cette année. On peut toujours vendre chez soi ou, nouveauté, réserver un espace de 10 par 20 au marché aux puces du centre-ville sur le terrain du bureau de poste. À noter que l'on doit fournir table, chaises et abris. On s'inscrit au 819-560-8600, poste 2400, ou par courriel à info.hastings@hsfqc.ca. La relève du Haut-Saint-François organise une activité mijoton ado à la salle Guy Veilleux de Crookshire le 8 mai. Inscription et information à facebook.com/relève-hsf, par courriel à la-relève-hsf@hotmail.ca, ou au 819-86-1508. L'Association touristique et culturelle de Dodwell cherche à embaucher des étudiants pour l'été. Poste proposé, agent touristique et responsable de groupe, guide touristique et animateur. On doit faire parvenir son CV avant le 8 mai au 900 rue du Lac, Dodwell, J0B20, ou par courriel à atcd@hsfqc.ca.